embarquez pour un voyage extraordinaire avec Voyage Brosseau Rosemère chaque vendredi matin, 8h30. Découvrez des destinations inspirantes, des conseils d'experts et des idées pour vos prochaines vacances. Ce vendredi à 8h30 dans le cadre de Radio Réveil. La météo. Pour le Grand Montréal, aujourd'hui, on a un ciel dégagé, des vents avec 50 km/h de vigueur, un maximum de 30 degrés. Ce soir et cette nuit, dégagé avec des vents à 30 km/h encore, des rafales à 50, un minimum de 19. Demain, jeudi, un ennuagement avec 60% de probabilité tard le matin et en après-midi avec un risque d'un orage. Les vents à 20 km/h, un maximum de 23 degrés. Et pour vendredi, un ennuagement, un maximum de 26. Pour Québec et le bas du fleuve, ça reste un ciel dégagé aujourd'hui. Toujours des vents avec des rafales à 40 km/h, un maximum de 29. Ce soir et cette nuit, dégagé, un minimum de 18. Demain, jeudi, des nuages avec 40% de probabilité d'averses tard le matin, des averses débutant aussi en mi-journée. Risque d'orage en après-midi, un vent à 20 km/h, un maximum de 24 degrés. Et pour vendredi, un ennuagement, un maximum de 25. Ailleurs au Canada, Saint-Jean, un ciel dégagé 19. Toronto, un ciel dégagé également 30 degrés. Winnipeg, quelques nuages 22. Et Vancouver, du soleil 18 degrés. Chez nos voisins du sud, Boston et New York, un ciel variable 29. Chicago, de la pluie 16 degrés. Et Los Angeles, un ciel variable 22 degrés. La météo, une présentation de la revue de presse Hebdo avec Rémi Trudel, chaque samedi 9h à CNV Radio Numérique et en simultané au AM 940. Au microphone, Carl Collin. On est très heureux de vous savoir avec nous. Les succès légendaires et l'actualité au présent. AM 940 Montréal. On écoute de grands classiques en griffonnant dans un calepin de notes. Le 940 vous donne accès au Vinyl Café. Vinyl Café. I'm feeling. De l'actualité. La mise à jour complète des nouvelles au présent. Aujourd'hui, mercredi 4 juin, bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Voici vos informations. Le premier ministre Mark Carney n'a pour l'instant aucune intention de répondre à la hausse des droits de douane, lesquels sont passés de 25 % à 50 % sur l'acier et l'aluminium. Cette décision suscite une vive inquiétude au sein de l'industrie sidérurgique, notamment parmi les producteurs d'acier qui redoutent des pertes d'emplois massives, en particulier dans la province de l'Ontario. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a fait part de sa déception face à l'évolution de la situation, accusant le président des États-Unis d'avoir manqué à ses engagements. Unfortunately, they broke a verbal agreement, and that's unfortunate. It's going to cost the American people $15 billion when you add up the steel and aluminum. De son côté, le premier ministre Carney privilégie une approche diplomatique et déclare préférer engager un dialogue constructif. Nous sommes en train de discussions intensives avec les Américains maintenant. On va prendre un peu de temps, mais pas plus. Le gouvernement fédéral, de son côté, exprime l'espoir de conclure un accord avec l'administration Trump avant la tenue du sommet du G7, prévu du 15 au 17 juin en Alberta, où la présence du président américain est attendue. En parallèle, le premier ministre québécois François Legault a également pris position concernant l'imposition des droits de douane, affirmant qu'il était impossible pour l'instant de garder Donald Trump sous contrôle. Actuellement, ce qu'on se rend compte, c'est que M. Trump le défie toute logique. On comprend pas ce qu'il fait. Le premier ministre François Legault prévoit un déplacement officiel en France pour une durée de 4 jours du 13 au 16 juin à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Un voyage qui s'inscrit dans une volonté de soutien aux entreprises et organismes manufacturiers du Québec dans leur démarche visant à renforcer leur position à l'international. À l'inverse, le Mexique envisage de mettre en place des mesures de rétorsion afin de préserver son industrie dans l'hypothèse où le président Trump refuserait de réduire les taxes imposées sur ses exportations. C'est ce qu'a affirmé ce matin la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, l'économie mexicaine qui occupe la deuxième place parmi les puissances économiques de l'Amérique latine et souvent perçue comme particulièrement exposée aux décisions de Donald Trump en matière de tarifs douaniers. Plus de 80 % des biens exportés par le Mexique sont destinés au marché américain. Et en économie, la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 2,75 % pour la seconde fois consécutive. Cette décision vise à laisser du temps aux autorités monétaires afin d'évaluer plus précisément la direction que prend l'économie. À l'international, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré aujourd'hui que les exigences extrêmes posées par la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine constituaient des ultimatums inacceptables, reflétant ainsi l'état de blocage dans lequel se trouvent actuellement les négociations de paix. Puisque là-bas vous êtes ses amis, asseyez-vous et parlez-moi de lui. Scène artistique, triste nouvelle. La chanteuse française Nicole Croisy, célèbre dans les années 70, est décédée la nuit dernière à l'âge de 88 ans, des suites d'une longue maladie, comme l'a annoncé son agent. Parlez-moi de lui. L'interprète emblématique des chansons Parlez-moi de lui et Téléphone-moi s'est éteinte à Paris. Au cours de la dernière partie de sa carrière, Nicole Croisy s'était progressivement éloignée de la scène musicale pour retrouver le monde du théâtre, se produisant dans plusieurs pièces sur les scènes parisiennes. Parlez-moi, lui, il nous parle de toi. Comment va sa vie? Et au sport au tennis à Roland-Garros, l'Américaine Coco Gauff se qualifie pour les demi-finales. Les actualités, à la 45e minute de l'heure. Le soleil nous redonne vie. La nature reprend toutes ses couleurs en harmonie avec ma radio AM 940 Montréal. Au AM 940, vous écoutez Vinyl Café. Vinyl Café. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le d'impôts. Météo influence notre habillement, nos déplacements et parfois notre humeur. Suivez nos bulletins météo à la 30e minute de l'heure. Parce que vous souhaitez savoir ce qui se passe dans notre monde, à la 45e minute de l'heure, les manchettes de l'actualité. Nous livrons l'information. Vous faites votre opinion. Parce que vous vibrez pour les vrais succès, tous les jours, à tout moment. Musique d'une époque inoubliable. Les actualités sportives. D'abord au hockey, après une longue période d'attente, la grande finale de la Coupe Stanley débute ce soir à Edmonton. La formation des Hurleurs est animée par le désir intense de prendre leur revanche contre les Panthers de la Floride. Ces derniers avaient remporté la Coupe l'an passé au terme d'une série de 7 matchs amplement disputés. Les Panthers s'étaient d'abord imposés dans les 3 premières rencontres avant de voir Edmonton répliquer avec 3 victoires consécutives. Toutefois, la 7e et ultime confrontation avait permis à la formation floridienne de remporter les honneurs. Au baseball, les Red Sox de Boston ont subi une 2e défaite d'affilée hier face aux Angels de la Californie. Les deux équipes croiseront le fer aujourd'hui et les Angels pourraient balayer la série. De leur côté, les Blue Jays de Toronto ont vu leur série de 5 gains consécutifs prendre fin hier. Ils ont été dominés par les Phillies de Philadelphie qui ont démontré les raisons de leur proximité avec le sommet de la division Est de la Nationale. À seulement 1/2 match derrière les Mets de New York, les Phillies ont infligé un revers de 8-3 aux Jays. Ces deux formations s'affrontent à nouveau aujourd'hui. Mick Abel au monticule pour les Phillies, 1 victoire, 1 défaite, contre José Berrios, 2 victoires, 2 défaites au monticule pour Toronto. Au tennis à Roland-Garros, l'Américaine Coco Gauff est parvenue à surmonter 10 doubles fautes ainsi que la perte de la première manche, une première pour elle dans cette compétition, pour finalement triompher face à sa compatriote Madison Keys. Le score final de cette rencontre, 6-7, 6-4, 6-1. L'autre demi-finale sera toute une confrontation de la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka, numéro 1 mondiale, face à l'ex-numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Świątek. Et la Fédération internationale de natation a fait savoir aujourd'hui qu'elle interdirait toute participation à ces événements à tout athlète prenant part aux E-Games, une compétition autoproclamée comme les Jeux améliorés où la consommation de substances dopantes est permise et légale. World Aquatics a ainsi adopté une nouvelle réglementation, affirmant clairement son attachement ferme à l'intégrité d'un sport sans dopage. Cette interdiction ne s'applique pas seulement aux athlètes, mais concerne également les entraîneurs, les membres des délégations et les professionnels de la santé associés aux équipes, précise l'organisme international. Les actualités sportives, à la première minute de l'heure. Les plus grands succès musicaux et tout ce qu'il faut savoir de l'actualité, AM 940 Montréal. Vinyl Café. Vinyl Café, où la musique se savoure pleinement.